j'suis sur le toit. Sous jack, pied dans le vide, j'suis tenté. Et quand j'suis sobre, j'dérape, j'peux pas trop me fréquenter. J'sens la braise dans un organe sous ma veste. Monde s'en va et m'a dit toi tu restes. Cette vie là me fait plus rêver. La nuit j'peux pas dormir. Eux c'est mes frères et sœurs, mais y'a tellement que j'peux pas leur dire. Et j'me détruis, y'a trop de choses qu'il faut que j'arrête. J'ai aucun ops à part l'enfoiré dans ma tête. J'suis sur le toit et les étoiles sont pas contentes. J'en veux à lui, j'en veux à elle de pas me comprendre. J'suis sur le toit, sous jack, pied dans le vide, j'suis tenté. Et quand j'suis sobre, j'dérape, j'peux pas trop me fréquenter. Quand j'suis à plat ventre, la psy dit que j'suis mieux qu'avant. J't'attendais hier, aujourd'hui frérot j'avance. Longtemps que j'fais la queue mais la porte veut pas s'ouvrir. Pour qu'on me laisse tranquille, j'ai dû apprendre à sourire. J'attends quelqu'un, quelqu'un qui viendra pas. Et je regarde au loin, comme si c'est mieux là-bas. Moi je traîne quelque part entre solitude et succès. Leur amour c'est trop pour moi, je veux pas monter sur scène. Je monte sur le toit, sous jack, pied dans le vide, je suis tenté. Et quand je suis sobre, je dérape, je peux pas trop me fréquenter. J'monte sur le toit, sous jack, pied dans le vide, j'suis tenté. Et quand j'suis sobre, j'dérape, j'peux pas trop me fréquenter.